Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès Fou édition Franco. Bonjour et bienvenue à l'édition francophone des Palmarès des Fous pour la semaine du 24 février au 2 mars 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et comme à chaque semaine, on va écouter le top 20 des pièces francophones les plus appréciées des animateurs de C'est Fou. La semaine passée, le numéro 1, et c'était... Oh, Colin! Bon, je viens de voir, elle est rendue où? C'était Charlotte Gainsbourg avec le chat du Café des artistes. C'est quelque chose, cette chute, vous allez voir tantôt. Mais avant ça, on a quelques nouvelles entrées. Il y en a deux. On va entendre Radio dans quelques minutes avec leur pièce d'Ekchou. Mais on commence avec les trois accords, une pièce que j'adore. Allons, ça! Voici Croquer les coups, tout de suite au 89.1 FM. C'est Fou! 2019. Nouvelle entrée. Superstar, marcher sur la main ou marcher sur la automobile. Inné, miné, mané, mo, c'est qu'est-ce qui veut du jello. Si ton sport c'est du vélo, ben come on baby, hello. Saute, danse autour la question, marcher sur la hay. Ok, j'explique, c'est jet set dans ma minivan. No, that cut, j'ai ma case in case, que ma case work pro. Head case in case, que ma still work pro. Penny loaf à deck, shoe, garde ça, garde ça, garde j'ai ma. Nah, man, moi j'work ma tan. Shopping channel, vend des scam. Copy, call et j'suis comme damn. Basically, so basic, soit avec mes penny loaf. Marcher sur la hey, j'ai dit plus broke, ne y a pillé. Marcher sur la, pas un cent à mon nom, poste de Louis Vuitton. Un pal de deck, shoes, pas de boîte, bateau, un premier down. C'est même que ça se passe, quoi d'où tu veux, j'te dis. Paye-moi 15 minutes, puis watch mon pack de mes valises. J'dirais pas que j'suis pauvre, j'dirais plutôt que j'suis broke. Ta gaz, ça me coûte rien, un peu sur la côte. Moi j'aime les couchers de soleil, puis watcher les bateaux. Avec de l'easy listening jazz, qui joue sur mon radio. Avec mes penny loafers ou avec mes deck shoes, je vais marcher sur la. Le jour, je fais rien de tout. Je m'achante pour des causes. Moi, je croyais rien du tout. C'est la new edition. Television match le piano. Tout ça, d'un monde qui sait. Tout le monde croit qu'il faut. Tout ça, d'un monde qui croit. Les histoires des matelots. Moi, je les ai trouvés sur le bout du chat. En marchant sur la wall. Sans plus broke, mieux y habiller. Marcher sur la hay. J'ai dit plus broke. Habillé, marcher sur la roue. Plus broke, mieux habillé, marcher sur la hay. J'ai dit plus broke, mieux habillé, marcher sur la roue. Deux pièces qu'on entend depuis quand même assez longtemps ici, assez fou, mais qui viennent tout juste de faire leur entrée dans le palmarès. C'était Radio Radio qu'on vient d'entendre avec Deck Shoe de leur album Bel Mundo Regal. Tout nouvel album et premier extrait finalement. Avant ça, en 20e, c'était les Trois Accords avec Croquer les coups de leur album Dans mon corps. Et ça, c'est vraiment pas la première pièce des Trois Accords hein, ici, assez fou. Ça joue depuis tellement longtemps, avant tout le monde, on aime ça. Ça, c'était les nouvelles entrées, donc il n'y en a plus d'autres. On se rend jusqu'au numéro 1 à partir de maintenant. Et le numéro 1, ben, c'est lui qui va commencer le bloc. Il est rendu en 18e place, le numéro 1, là. C'est pas incroyable, ça, d'une semaine à l'autre comme ça, 1 et boum, 18. Donc, ça va être Charlotte Gainsbourg qui va débuter ça avec le chat du Café des artistes. Suivra la 17e place qui monte de 2 Turbo Distorsion avec Gérant d'Estrade. Vous êtes au Palmarès C'est Fou, édition Franco, au 89.1 FM. C'est la radio qu'on peut jouer pour Rivière. Peace.

de personnes un peu seules. Laisse tomber les âmes sans que ce soit voulu. Alors il reste un peu, un ou deux jours de plus, comme des chiens errants qui ont trouvé un toit. Et pour la nuit, il dort auprès des deux amants. Mais les moments parfaits repartent au petit jour, car rien de moins certain que les tristes humains. Et on attend qu'ils reviennent toujours. Mais les moments parfaits ne reviennent jamais. Chien parfait de l'amour ne reviennent jamais. Mais si parfois deux personnes un peu seules laissent tomber les larmes sans que ce soit voulu, alors il reste un peu, un ou deux jours de plus. Avec les moments parfaits, ça descend d'une place, c'était en 15e, maintenant c'est en 16e. Avant d'entendu Turbo Distorsion avec Gérant d'Estrade qui figure sur la 14e, en fait sur la compilation de la 14e édition des Francouvertes, hein, ils n'ont pas sorti une compilation chaque année ou non. Ça monte de deux places, hein, c'était nouveau la semaine passée, et on a débuté le bloc avec Charlotte Gainsbourg, l'ancien numéro 1, qui descend de 17 places, incroyable, l'ancien numéro 1, maintenant 18e, j'en reviens même pas. Son album s'appelle IRM, et d'ailleurs la pièce IRM est sur le palmarès anglophone présentement en position numéro 14. Dans le prochain bloc, les amis au Pakistan et la patère rose. Mais on débute avec Hitler en chocolat de Mimi Van Der Loo tout de suite au 89.1. We'll be right back. numéro 14. Retour les amis au Pakistan, le nombre est Vincent Vallière dans les palmarès C'est fou, édition Franco. Numéro 13. Douceur, touché, grave, finesse, tape sur les fesses. I'm masqué. Bonjour. Cette chanson-là, hein, c'est quelque chose. Ma robe en papier toilette, des amis au Pakistan, ça fait de leur album Cosmétique Cosmique, c'est en 13e position et ça descend d'une place. Avant, c'était la Patin Rose avec Décapote qui descend de la 6e. On a débuté avec Mimi Van Der Glo et Hitler en chocolat qui passe de la 7e à la 15e position dans notre palmarès francophone très, très célèbre ici. Ah, c'est faux, 89.fm. On se rend jusqu'au numéro 1. On a appris plus tôt dans l'émission que Charles Gainsbourg est rendu en 18e place, donc il y a forcément quelque chose de nouveau au sommet. On va savoir dans une petite heure, à peu près un petit peu moins d'une heure. Hein, bon, ce que c'est. Dans le prochain bloc, là, Ski et Vincent Vallière, mon début par Sur ton île du nombre qui descend de deux places tout de suite au 89.1 FM. Même si chaque seconde et que je veux vivre avec toi, moi je veux vivre dans le monde, je faisais déjà sans toi. Que le cauchemar revient parfois. Oui, mais nous serons deux pour traverser. Et puis d'abord, j'ai déjà fait mon choix. Je n'irai pas sur ton île pour m'ironiser avec toi. Pour m'ironiser avec toi. Pour m'ironiser avec toi. T'es la

dimanche ensoleillé, vitamine C. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur. La maîtresse du bistouri, la nouvelle Miss Patrick et les Brutes avec Toutes les filles sont folles de moi, position numéro 7 du palmarès francophone, ça monte de 7 places. Avant c'était Bravo Funken avec Les animaux qui montent de la 11e, maintenant c'est la 8e position. Alors, on va se faire un beau petit bloc de deux pièces tout de suite, hein? Pourquoi pas, on va entendre un morceau qui monte de la 20e place, oui. C'était nouveau la semaine passée, voici Le Sabot Trio avec Jenny Girl, ça va suivre juste après Melogranate avec Ce Soir qui descend 3 places, comme ça. Au palmarès c'est fou, au 89.fm. Aujourd'hui, je suis mêlé. Que voulez-vous? Je suis mêlé. Retour le Sabot Trio, Fred Fortin, Vanesse Pariétaire et Damien Robitaille, en plus d'Orange Orange dans les palmarès C'est fou édition Franco. Numéro 5. Ce soir. little girl. Girl du Sabot Trio en position numéro 5, ça monte de 15 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée en 20e position. Avant, c'était Monogrenade et Ce Soir qui, elle, descend de 3 places. Dommage, quand même. Voilà, donc, vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès C'est Fou. Hein? C'est le Palmarès de C'est Fou que vous pouvez retrouver sur Internet au www.cfou.ca. Hein? Là-dessus, il y a le Palmarès, c'est la programmation de C'est Fou. On peut écouter en direct, comme ça, sur Internet. N'importe quand. Il y a aussi les balados de diffusion qu'on peut écouter n'importe quand, elle, et n'importe quand dans la journée, la même émission. En tout cas, vous comprenez. Sur assemblagerequis.com, c'est là-dessus qu'il y a les balados et les liens de l'émission de la journée. www.assemblagerequis.com. On va entendre tantôt Damien Robitaille en troisième position qui monte de 2 avec mot de passe, mais on commence avec Fred Fortin qui descend de la deuxième place. Voici Mumu, tout de suite, au 89 FM, c'est les Palmarès, c'est fou. Ma cabane est faite de riz et de prix fini. C'est Mumu, mon petit frère, qui un jour l'a bâti. Dans le simple but de se défoncer la tomate, à l'abri des chiens, des loups, des millions de primates, contre la cravate. Soleil et enfin.

Orange Orange et Je suis le héros qui monte de 16 places. C'est passé directement de la 18e à la 2e position. Et c'est tellement toujours excellent, Orange Orange. On peut dire deux fois. Tellement que c'est excellent. Tellement que c'est excellent. Alors, on est rendu à la position numéro 1. Et vous savez, là, c'est le moment poche où je fais des jeux de mots poche sur le numéro 1. Ça laisse personne indifférent. Ça laisse personne, je dirais, froid. Comme froid. Je vous l'expliquerai tantôt. Et en première position. Voilà, c'était le grand numéro 1 du palmarès francophone de C'est fou pour cette semaine merveilleuse du 24 février au 2 mars 2010. Avant de dire le numéro 1, par contre, on va faire un petit résumé du top 5, ça vous dérange pas trop. En cinquième position, le Sabot Trio avec Jenny Girl. En quatrième, Mumu de Fred Fortin. En troisième, Damien Robitaille avec Mot de passe. En deuxième, c'était Orange Orange avec Je suis le héros. Et on vient d'entendre le grand numéro 1, c'est-à-dire nos très très très bons amis de Vanesse Pariétaire et Givresse. C'est pour ça que je disais que ça laissait personne froid, mais je ne m'en c'était très, très pas du tout bon comme jeu de mots, je l'avoue. Bon. Leur CD, leur prochain CD, apparemment, au moins, de nouvelles pièces bientôt, pour Vanesse Pariétaire, c'est ce qu'on a entendu dire. Mais celle-là, Givresse, elle vient de la compilation Les Frères du Son, volume 1, qui est gratuite sur le www.lesfrèresdusson.com. Voilà, c'est la fin des palmarès. C'est fou pour les gens du vendredi soir. Eux, ils nous quittent pour aller rejoindre les lutins de l'enfer qui vont commencer vers 20h. Sinon, ben nous, le jeudi, hein, parce qu'on est en direct les mercredis et jeudis de 13h à 15h. Et on va continuer avec une dernière demi-heure remplie de top 30 des CD, top 10 loud, top 10 électronique, top 3 des disques canadiens, palmarès des radios universitaires, earshot, plein d'affaires. Mais partout où que vous soyez pour l'instant, on se quitte avec un vieux classique de 0 à 1. C'était la première fois et ça, c'était dans le palmarès à la fin de 2007 et au début de 2008. À la semaine prochaine pour les gens du vendredi. Vendredi et à tantôt pour les autres. Bye! C'était la première fois que je voyais le plus grand amour. Si on peut appeler ça pour la manoir. C'était la première fois que je voyais le plus grand amour. Que je voyais le plus fort l'amour. Si on peut appeler ça faire le manoir. J'étais horrifiée et fascinée à la fois. J'étais horrifiée et fascinée à la fois. Malgré ma répulsion, comme hypnotisée. Malgré ma répulsion, malgré ma répulsion, comme hypnotisée. Je ne pouvais détacher mon regard du dégradant spectacle de cet accroupissement bestial. C'était la première fois que je voyais le plus fort l'amour. Si on peut appeler ça, que le manoir. Hey, bon retour, vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou. Et maintenant, c'est la portion extra sauce brune, toujours avec Mathieu Plante. Et dans cette dernière demi-heure, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de voyager un petit peu dans les autres palmarès, là. Ailleurs que le top francophone et le top anglophone, il y a aussi le top 30 des albums, le top 10 large, le top 10 électronique et le top 3 des disques canadiens. Il y a même le palmarès des radios universitaires avec Earshot. On va commencer l'émission avec quelques classic gold hits. Un petit peu comme on l'a fait avant la pause. On va entendre Pomerleau avec J'aime pas, qui était sur le palmarès vers l'été, début de l'été 2008, je vous dirais. Alors tout de suite, Pomerleau et J'aime pas au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Ah ouais. Dis sur un ton de même, tu peux pas refuser ça. Hein? Mes yeux le plus laid tableau, plus jamais au bord de l'eau. Que de mystère autour de la table, à ce nom que l'on la défaire. Tournez trois fois votre langue avant que tout ne tremble. Les gens sont violents, on recherche l'argent. De vrais tyrans des abous portants. Ravageons nos paysages, résultat de notre passage. Que de voitures pour la nourriture, laissez à ceux qui triment dur. Nous glissons vers le fond, allez, un peu de communication idéologique, un code d'éthique, de bonne musique pour fuir le tragique. Hey, hey, hey, hey. J'aimerais n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop bu, certainement pas fait d'abus. Je suis très têtu, vraiment loin d'être abattu. Ne me tutoie pas, ce que tu fais, j'aime pas. What about? Un peu de jeûne, plus jamais de toi la haine. Pas détruire ton ennemi avant qu'il devienne ton ami. Distorsion des religions, mon Dieu, j'ai manqué l'avion. La route n'est pas longue, j'aperçois les temples. Brouiller les ennemis avant l'Amazon. Oh, oh, oh. J'aimerais n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop bu, certainement pas fait d'abus. Je suis très têtu, vraiment loin. Ne me tutoie pas, ce que tu fais, j'aime pas. What about? Le roi poisson est premier rang, c'était sur le palmarès au début de l'année 2008. C'est un classic gold hit, comme on les appelle, mais après ça, on met une petite étoile, puis on dit « Eh ben, de ces fous-là, genre... » Vous êtes toujours dans la version francophone des palmarès, c'est fou. Et maintenant qu'on a passé nos classic gold hits, des choses que j'avais envie d'entendre, de ressortir comme ça, de tellement loin derrière nous, hein, 2008, c'est comme le passé lointain, pour moi. Les choses avancent vite. Voilà, on va passer à un petit bloc top 30 des albums. Hein. Ça serait pas mal intéressant, ça, je pense, moi. Je trouve que ça a l'air pas mal intéressant. On va entendre du Lake of Stew là-dedans tout à l'heure, mais on va commencer par The Job. The Job qui est en position numéro 22 du top 30 des CD avec leur album qui s'appelle aussi The Job. Et on va entendre à l'instant la pièce Problem. Tiens, pourquoi pas Problem. Ça a l'air problématique, je pense. Piki One s'en vient, puis il va peut-être mettre de la vie un petit peu dans cette émission-là. Hein. Come on, right! Mais pourquoi tu choisis de venir à pied? Parce que t'aimes ça, te torturer toi-même? Ça fait du bien, Mathieu, des fois, marcher. Non. Oui, vraiment. C'est faux, ça, et les sports, c'est tous des mythes. Ça m'amène même pas en forme du tout. Manger des spécial cas. Ah oui, tu lis ça, donc ça veut dire que t'es très régulier, non? Non et non. Donc, on vient d'entendre un très beau bloc composé d'artistes qui sont dans le top 30 des CD. C'est très, très bien. On a entendu juste là We Are Wolves et Near Fear. We Are Wolves qui est en 28e position du palmarès des CD. Avant ça, on a entendu Lake of Stew avec Hey Bully. Lake of Stew qui est en 27e position avec leur album Sweet as Pie. Et on a débuté le bloc avec The Job et Problem. The Job qui est en position numéro 22 stable. Et leur album s'appelle aussi The Job. J'appellerais peut-être plus un maxi. Il n'y a pas grand pièce là-dessus. Pas grand pièce. Pour The Job, ils ont pas fait leur job. Non, c'est pas vrai. Ils ont fait leur job, c'est très très bon. C'est pour ça que j'en fais jouer ça. T'as à me trouver épais, mais c'est vrai, t'as raison. Mais non. T'as tellement raison, par exemple. C'est vrai. Hey, on est toujours dans l'extra sauce brune, édition bonus des palmarès. On en verse là, à la louche. Et qu'est-ce qui reste de bon à couler sur cette émission? Hey, on peut en faire des images avec ça, hein? C'est trop. Oh, ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur YouTube récemment, ça. Bon, pas obligé d'en parler. L'as-tu vu? Je sais pas de quoi tu parles. La fille qui est la reporter à la télé avec... où est-ce... Non. Dans les... Non. Avec un... Pas vu, non. Pas vu ça? OK. On va à la place se quitter avec deux artistes qui sont dans le top 20 des pièces francophones. En fait, ce sont nos deux nouvelles entrées. Vous les connaissez très bien, on les joue très fréquemment ici à C'est Fou, mais quand même, vu qu'ils sont des nouvelles entrées hein, dans le top francophone, on va les faire jouer encore plus avec d'autres pièces qu'on n'a pas entendues encore, du moins pas très souvent. On va commencer avec les trois accords et la pièce Nuit de la poésie. Moi, je l'ai moins entendue, celle-là. T'sais, les autres, on les connaît toutes sur leur plus récent album. Là. Dans mon corps, ton pantalon est plein, on entend ça, le bureau du médecin, on entend ça, pull pastel, croquer des coups qui viennent d'entrer dans le palmarès. Il y en a plein des pièces de cet album-là qu'on entend fréquemment. Mais Nuit de la poésie, un peu moins. Nuit de la poésie, je l'ai entendu live quand ils sont venus pendant les nuits polaires cet hiver. Puis c'est un peu bizarre hein, parce qu'ils rient un peu des nuits de la poésie. Puis on est comme dans la capitale de la poésie ici à Trois-Rivières. Ouais. Donc, je sais pas, ça peut peut-être faire un malaise pour certains, mais bon, c'est quand même une drôle de pièce. Et on aime les malaises. Ah ben oui, c'est sûr. Suivra Radio Radio avec la pièce Cargué dans ma chaise, qu'on a déjà entendu une couple de fois quand même, mais c'est pas la pièce du palmarès d'Ekchou, là. C'est pas elle, c'est une autre. Bon. Donc on les écoute back to back, et puis après ça on se retrouve à l'assemblage Requito et moi. Hein. Ben parfait, on se retrouve après ça. Ok, comme tu veux. Ok, ok. Je suis l'aide de l'eau de mon corps. ceux qui ont voulu dans mes bras. Tu as pris tous ceux qui ont voulu dans tes bras. Oui, j'ai pris tous ceux qui ont voulu dans mes bras, dans mes bras. Cette nuit de la poésie, wow. Quand on dit que l'on applaudit, wow. Sur le catwalk, texte mon laptop. La nuit est calme, faut que je ne presse les dames avec ma lazy walk, léger bouche, m'enjoy. Une bonne petite drink, c'est énorme, enjoy. All inclusive, non intrusive. José, José, José, José. Cracké dans la chaise, à la sortie de la maze. Belle smile, belle plume, petite centre à l'aise. Dire quoi si tu veux, si tu veux. Security est clear, this is tout ce way. Pour une belle smile, belle plume, sans balai. Lagos, Porto, I'm a fly away. Tant-toi, tant-toi, journée. Y'a pas qu'au réalise, man. On est cracké dans ma chaise, cracké dans ma chaise. On est cracké dans ma chaise, cracké dans ma chaise. On est cracké dans ma chaise, cracké dans ma chaise. On est cracké dans ma chaise, cracké dans ma chaise. José, José, José, José. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. Celui c'est mon lazy boy. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. José, José, José, José. Cagé dans ma chaise, le gars est à l'aise. Le feu qui brasse, mais il check pour la braise. Les temps sont bons, super duper bon. Cagé dans ma chaise, super duper freaky bon. C'est le two step front, le one step back. Shake ton cheese with it out, relax. C'est le two step front, le one step back. Shake ton cheese with it out, relax. Dinner in the sun, c'est une bonne idée. Y'a de la place sur le couch, petit installé. José, José, José, José. Il faut des marques mal, petit installé. She relaxed and relaxed and relaxo. Relaxo, relaxo, relaxo, relaxo. She relaxed and relaxed and relaxo. Relaxo, relaxo, relaxo, relaxo. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise.